Sotteville-lès-Rouen le 20 janvier 2020. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on s'est rendu à un rendez-vous mystérieux là, à 7h du matin sur la place de l'hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen. Oui. On sait bien que ça a un rapport avec, avec la mise en place du nouveau bac qui se fait de manière assez aberrante, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Alors bon, c'est pas si mystérieux que ça, hein, parce qu'il y a quand même deux voitures de police qui sont aux abords du lycée. Alors aujourd'hui, démarrent dans pas mal de lycées en France les fameuses 3C, donc même si ça a déjà aussi démarré la semaine dernière et s'il y a eu des épreuves annulées. Évaluation en contrôle continu, donc. Voilà, pardon, les évaluations, les épreuves communes de contrôle continu, face auxquelles on s'est déjà mobilisé depuis un certain nombre de semaines. Là, ça démarre au lycée Marcel Samba. Donc là, on a une action de l'Interpro et des collègues de Marcel Samba pour, je dirais, marquer notre mécontentement par rapport à cette épreuve. Pour nous, il ne s'agit pas de bloquer parce que ce n'est pas la décision qui a été prise de façon majoritaire. Ce n'est pas une présence qui sera dissuasive, mais qui sera une présence incitative à rejoindre la grève pour les collègues qui passeront. Voilà, et pour montrer notre protestation. Il y a une mobilisation qui a lieu aussi dans d'autres lycées actuellement en France, à divers endroits, avec parfois des épreuves annulées. Oui, tout à fait. Bah, moi, je pense que aujourd'hui, c'est la fête à Blanquer. Hein, de toute façon, c'est un appel national qui a été lancé. Il s'agit de montrer toute la stupidité et la violence de la politique de ce ministre qui va être sur la sellette. Et bah, on s'inscrit dans le cadre de ce mouvement-là, qui ne fait que commencer, parce que bon, ces épreuves de bac, on commence à en parler, les médias commencent à en parler depuis une semaine, mais à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et la lutte contre la réforme du bac et du lycée, elle ne fait que recommencer, je dirais. C'est la logique managériale de l'évaluation permanente, et donc du stress permanent et de la mise en sellette permanente des individus. Et l'évaluation, c'est pas l'éducation, c'est pas pareil. Donc notre métier, il est vidé de son sens. Et puis bah, nos élèves là-dedans, ils s'y retrouvent pas, quoi. Merci. Et là, derrière nous, pendant ce temps-là, a démarré le petit train de Solidaires et des cheminots qui va accompagner. Bonjour. Il est acquis ce petit train en fait. Il est acquis, ben, il est à tout le monde le petit train. Et à la lutte. Il est à Sudrail en vérité, mais pour le collectif. Ok. Est-ce que Sudrail du coup va accompagner les profs devant le lycée Samba, là on n'est pas très loin, le petit train a que 100 mètres à faire à peu près. Et on va les accompagner. Il va avoir le temps de chauffer quand même. Merci. Au travers de ça, d'inciter le maximum de collègues surveillants à faire grève aujourd'hui avec nous. On a déjà un socle bien costaud de grévistes, hein, Marcel Samba. Voilà, on tient à montrer notre mécontentement de la manière la plus claire et la plus explicite possible. Donc on se dispatche sur le parvis, on distribue un tract, on est présent, on chante, on fait du bruit, enfin, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, on ne bloque pas. C'est Marcel Samba. Vous savez peut-être déjà qu'il y a deux voitures de police. Le seul truc qui peut ajouter de la tension, c'est la direction, parce que notre direction, est, je dirais, aborde pas les choses de manière très rationnelle et quelque peu tendue. Hein. C'est un euphémisme. Voilà. Donc il n'y a que eux, enfin elles en l'occurrence, qui peuvent ajouter de la tension. Vous les repérerez très vite. Hein. Elles ont mobilisé beaucoup de gens pour être présents aussi devant le parvis, donc il y aura pas mal de monde devant le parvis. Il y aura cette difficulté de gérer un gros flux d'élèves qui arrivent en même temps. Bon, faut vraiment pas qu'ils se sentent bloqués, les élèves. On a des élèves handicapés, des élèves autistes qui peuvent parfois prendre peur. Voilà, c'est des petites précautions, des petites choses qu'il faut savoir. Voilà, donc on a du son, c'est super. On a des pancartes, des banderoles. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites qu'il faudrait dire? Alors, pour les Bruyères, donc il y a un lycée qui est un peu plus loin. Les épreuves commencent une heure plus tard, elles commencent trois quarts d'heure plus tard, elles commencent à 9h. Les collègues réunis en fin de semaine dernière étaient plutôt favorables à un blocage du bahut, sachant qu'ils ne s'impliqueront pas personnellement pour bloquer de leur corps. Parce que c'est l'épreuve des élèves, c'est leur établissement, donc ça leur pose un problème. Par contre, il y en a beaucoup qui ont convenu que ce serait le plus pratique, ce serait que le bahut soit bloqué. C'est un bahut qui est quasiment imbloquable, ceci dit, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 points d'entrée, 5 points d'entrée. Donc, bon, l'idée, c'est de... Si on va à preuve brouillère, c'est quand même de rajouter une grosse pression sur l'entrée des élèves et des personnels qui pourraient surveiller. On n'arrivera probablement pas à faire un blocage total, et c'est pas grave si c'est pas le cas. Mais... le but, c'est de mettre quand même le bazar pour que, peut-être, in fine, le chef d'établissement décide d'annuler les épreuves. Voilà. Moi, je vais prendre la parole. Alors, c'était peut-être pas prévu ou autre, mais par rapport au nombre qu'on est, autant être toute action est bonne à prendre. La semaine dernière, au lycée Val-de-Seine, s'est fait une réunion de parents, justement, pour la réforme du bac, pour expliquer. Le proviseur François a dit qu'il ne savait rien, qu'il était au courant de rien, enfin bref. Mais rassurez-vous, c'est pas la peine de faire grève, ça n'a aucun intérêt de faire une grève. Sur ce, vous avez pu le voir sur les médias, les profs ont fait une action vendredi dernier en s'allongeant symboliquement avec des sacs poubelles noires sur le parvis devant le lycée Val-de-Seine. Les lycéens, notamment de première et de terminale, lycéens et lycéennes ont bien pris conscience du problème de la réforme, les profs leur en ont parlé. Du coup, depuis 3-4 jours, ces jeunes, eux, avec Snap, Instagram, tout ça, se sont mobilisés. Et là, il y a déjà du monde, il y a déjà des jeunes, en fait, au lycée Val-de-Seine, qui veulent boycotter. Alors, eux, les épreuves ne démarrent pas aujourd'hui, mais le proviseur a annoncé que, de toute façon, vu que les profs ne voulaient pas choisir les sujets, qu'ils les choisiraient avec l'inspecteur, ou l'inspectrice, je ne sais plus. Du coup, y a déjà des jeunes, des lycéens, des lycéennes au lycée Val-de-Seine qui attendent aussi des adultes pour boycotter ça et être présents devant le lycée. Eux, leur intention, c'est pour ça qu'il faudra arriver à les canaliser quand même aussi en tant qu'adultes. Leur intention, c'est de bloquer le lycée carrément là. C'est d'empêcher leurs copains et copines de rentrer dans le lycée et d'inciter les profs à rester devant la grille du lycée Val-de-Seine. On y va, on est à 2 minutes quoi. Ouais. Okay. C'est parti. C'est Val-de-Seine, après. Allez. On peut retourner.